À propos des menées militaires des autorités sud-coréennes contre la République populaire démocratique de Corée, sous prétexte de menaces de provocation du Nord, le porte-parole du Comité national coréen pour la paix a répondu le 29 juin aux questions du correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée. En voici le résumé. Ces jours-ci, les bellicistes sud-coréens s'adonnent frénétiquement aux exercices de guerre d'agression contre nous. Ils ont effectué avec les Juhais, en Corée du Sud et aux États-Unis, les exercices de bombardement visant les installations nucléaires de notre République. Et à l'occasion du 25 juin, ils ont livré les soi-disant exercices pour l'unification de 2017. D'autre part, les hauts fonctionnaires sud-coréens, y compris le Premier ministre, inspectent les troupes et la division américano-sud-coréenne en première ligne de front, tout en prétendant la riposte contre la menace réelle du Nord. En plus, le candidat au poste de ministre de la Défense a prétendu sans hésitation qu'il fera fixer le front au nord, au cas échéant, pour qu'on puisse effectuer les opérations dans les régions nord. Surtout, en assistant le 23 juin au lancement d'essais de l'engin balistique contre nous, le nouveau président sud-coréen a parlé de l'aggravation de la provocation de missiles du nord et de la possibilité des négociations basées sur la puissante force militaire. Les autorités et les presses conservatrices sud-coréennes affirme que c'est un message d'avertissement adressé au Nord. L'actuel pouvoir sud-coréen incite à la confrontation militaire avec nous en prétendant les pourparlers Nord-Sud. Cela montre nettement qu'il n'a pas l'intention réelle d'améliorer les rapports intercoréens et qu'il s'attache à la confrontation accompagnée des négociations, tout comme les pouvoirs de dictature précédents. Lancer des propos provocateurs contre notre partie de négociation et s'adonner à la confrontation militaire, c'est certainement le refus intégral des pourparlers et une raillerie insupportable contre l'aspiration de toute la nation à l'amélioration des relations Nord-Sud et à la paix. Si les autorités sud-coréennes veulent sincèrement les négociations et la paix, elles doivent répondre à notre appel patriotique à l'élimination de la tension militaire entre les compatriotes, selon l'idéal entre nous les Coréens, au lieu de s'adonner à la confrontation militaire de nature suicidaire, suivant l'intention des États-Unis, ennemi principal de la nation, et des forces conservatrices sud-coréennes.